Wesh Nas, c'est bien, tu rappes pour les autres et tout, c'est quand tu nous fais un son ambiancé là? Ah frérot, moi je suis chaud, vas-y viens, moi si tu veux, je t'en fais un tout de suite là. Vas-y, on y va. Chaud. Vas-y, vas-y. Eh mais tu t'es pas problème toi. Non, non, non, un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac. Je veux m'envoler, rêver tant que mon cœur y est. Atteindre le sommet, partir faire un max de monnaie. J'suis au maximum, viser le summum. Au maximum, on va viser le top. Rêve tous pervers, frère un vice. Crève repartir loin des yeux d'Iblis. Mais please, quitte, est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Parmi mes ennemis, t'as acquis un ovni, tes ex on oublie. Mets-toi bien la famille, on est posé, on gollerie. Chichi, chapé, père, les soirées, les conneries. On est ficha, t'es une guicha, t'as le bif dans la ria. On est tout frais, on est tout prêt, paré pour ce ficha. Dites meuf, débardeur, petits yeux pétillants. On est gonflé, fort, quand il s'agit de faire le lover ambulant. Technique, t'approche, m'écrate ta chemise et vertra. Beau gosse, t'es sincère, Facebook nous perdra. Petit sourire, charmeur. Crête, changement d'humeur. Ça se voit que je plais, je la tchatche depuis des heures. Au fond de la salle, tous tes potes te sourissent. On est venu là pour pécho comme si on était des touristes. Je veux m'envoler, rêver tant que mon cœur y est. Atteindre le sommet, partir faire un max de monnaie. J'suis au maximum, viser le summum. Au maximum, on va viser le top. Sors du 9-4 comme une balle dans un Glock. Sors du 9-4 comme une balle dans un Glock. Au fond de la teboie, une ex à moi, rien qu'elle se moque. Essaye de gérer mes potes d'un flingue que je me moque. Embrouille, menace, ton que mes tirs à plomb. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec sa carrure de joueur de biathlon? Tout mon équipe se lève, on danse, on est optimal. Petite chanson pour Renoir, pour faire danser mes petits mâles. Posé, je rigole, sirote mon cocktail avec Ali. Au fond de la teboie, j'aperçois un signe de Larry. Une petite meuf trouve que j'ai la voix droite. Voilà, ça fait plaisir quand je passe à bouille, rien que tu croques. J'suis là, je décontracte, je rigole, j'deal pas de crack. Le 9-4 flamme à plaque, clic clac, ouvre le contact. Petit clac, j'suis intact, j'finis la soirée en vomissant sur le poster d'André Pierre Gignac. J'veux m'envoler, rêver tant que mon cœur y est. Atteindre le sommet, partir faire un max de monnaie. J'suis au maximum, viser le summum. Au maximum, on va viser le top. Je veux m'envoler, rêver tant que mon cœur y est. Atteindre voilà, le sommet, partir faire un max de monnaie. J'suis au maximum, ah là là, viser le summum. Au maximum, on va viser le top. Ah là là là là là là. Frère, on a fait du sale, j'ai fait le métier, j'ai fait tout ce que tu veux. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Easy. Non, j'arrête, j'arrête de foutre de la gueule du rap français.